Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et image par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonsoir amis auditeurs de Radio Méditerranée Var, encore un épisode confiné du son de l'underground, vous êtes avec Fred Cominatia, il doit donc être jeudi 17h, je suis avec vous jusqu'à 20h pour m'occuper un petit peu de vos tympans et de votre âme sonore. On va faire encore un Good Vibes, cette fois-ci je vais vous faire un petit medley, un Good Vibes qui va mélanger de la New Disco, de la Tech House, de la Techno, mais toujours dans des sons plutôt happy et plutôt faciles à écouter. On se préservera pour un peu plus tard pour quelque chose de plus pointu, peut-être la semaine prochaine, on va voir, suivant les rentrées de morceaux. Voilà, quoi vous dire, il n'y a pas trop de news, il n'y a pas d'événementiel. On est là, on est pendu et j'essaye un petit peu, donc pendant 3 heures par semaine, de vous apporter un petit peu autre chose et puis de suivre un petit peu ce puzzle de musique que vous avez sur Radio Méditerranée avec un bon fond des années 70, 80, 90 avec Bernie, avec Stéphane, voilà, Seb bien sûr qui fait son morning live, Bruno, toute l'équipe qui quand même continue à assurer une antenne et puis une diversité et des enregistrements de nouveautés, que ce soit dans le monde de l'information, de la musique ou de l'astrologie. En tout cas, le peu d'informations qu'on a, ce qu'on a sur Radio Méditerranée, c'est de qualité. Et je dois remercier Sébastien pour ses interventions, les invités qu'il fait parler au téléphone et autres, qui nous amènent vraiment de l'information de qualité. Mais bon, on passe à autre chose. Maintenant, c'est le Good Vibes. Maintenant, c'est la musique. Voilà, amis confinés, c'est parti. Just son of a bitch. front line. Yo, I'm on the front line. Yeah, cooling and chilling. Don't stop, I'm on the front line. I'm on the front line. Yo, I'm on the front line. Yeah, cooling and chilling. We'll be right back. Just love that. can't live my life alone. Yes. Oh, into your world, because your world is unique, your world is magic, and your world is your world. Your world is your world. So if you're gonna live, live for the right reasons. Thank you.